L'épreuve par Léon Frappier. Une grande nouvelle se répand dans l'école maternelle. Mademoiselle Félicienne va se marier. Tout de suite, Totote, qui a 5 ans, prend souci de cette information. Mise à la crèche dès sa naissance, puis placée à la maternelle sans interruption, elle n'a jamais fait qu'apercevoir ses parents. Le matin étant encore mal éveillée, et le soir étant déjà un peu endormie. Par suite, l'impression de famille existe pour elle, non pas à la maison, mais dans l'école, où s'écoule la plus grande partie de son temps de veille et où se voit constamment Mademoiselle. Mademoiselle est pour Totote une espèce de maman, avec cette différence que Mademoiselle lui appartient bien plus que la maman véritable n'appartient à son enfant. C'est obligé que votre mère vous appartienne, cela est, de droit, sans commencement, sans cessation possible. Et le bien toujours possédé vous laisse à peu près inconscient. Mais Totote a pris Mademoiselle, de jour en jour, elle l'a acquise avec ses yeux, avec les forces de sa vitalité, avec les effluves de son être, elle l'a faite sienne. Alors son sentiment de propriété est continuellement en action. La concurrence des autres élèves ne gêne pas Totote. Elle jouit d'une sollicitude particulière, et dans son genre elle est enfant unique. Par ordonnance médicale, elle porte au cou une sorte de collier de chien en cuir, plus haut d'un côté que de l'autre, et fait pour corriger une disposition nerveuse à pencher la tête sur l'épaule gauche. Ce collier tourne de temps en temps. Eh bien, Mademoiselle a soin de le rajuster à chaque occasion. Vous voyez bien que Totote est la préférée, qu'elle est fille unique. Totote interroge. Quoi que ça fera que Mademoiselle se marie ? La réponse lui cause une peine affreuse. Mademoiselle deviendra une maman, comme la mère à Totor ou la mère à Cricri. Elle aura des petits-enfants, elle, qui demeureront chez elle. Et les autres, ceux de l'école? Cela, elle ne les aimera pas autant que les siens. Il n'y en a pas un seul qu'elle aimera comme avant? Non, parce qu'elle sera forcée aussi d'aimer son mari. Après les fêtes de Pâques, le matin de la rentrée des classes, Totote, la respiration en suspens, se met aux aguets près de la porte du préau. Elle a entendu dire que Mademoiselle Félicienne avait profité des 15 jours de vacances pour se marier. La voici qui arrive. Est-ce le malheur sans espoir? Est-ce la fin de tout? Non, Mademoiselle est seule. Elle n'amène pas encore de petits-enfants à elle, et puis on lui voit son costume habituel et sa même figure souriante. Totote se ranime par soupirs progressifs. Peut-être qu'il n'y a rien de changé. Hélas! Dès que Félicienne a réuni ses élèves dans la classe, elle leur adresse un bref discours. « Vous ne savez pas, quelque chose de nouveau. J'ai changé de nom. Je ne suis plus Mademoiselle Félicienne, je suis Madame Legrand. Maintenant, il ne faut plus m'appeler Mademoiselle, il faut me dire Madame. » Tout de suite, les élèves amusés se font un jeu d'employer la nouvelle appellation. Seule Totote ne peut pas faire comme les autres. Ah, mais elle ne peut absolument pas. Pas plus qu'elle ne saurait cesser de tutoyer sa mère. L'appellation de madame est tellement inconcevable qu'elle éprouve une impossibilité physique à en prononcer les syllabes. Une suffocation nerveuse lui casse la voix. Dire madame, c'est retirer mademoiselle de son cœur. C'est sous-entendre, écoutez donc, vous que je ne connais pas. Dès qu'elle essaye le mot, il ne s'agit plus de mademoiselle, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas là. Alors ses paroles n'ont plus d'objet. Aussi Totote devient-elle à peu près muette. On peut même lui faire les pires misères. Elle ne crie pas « Madame ». Ce serait comme s'il n'appelait personne. Et bientôt, un fait désolant se produit. Toto a beau serrer les lèvres pour garder en elle Mademoiselle, la madame des autres enfants lui en enlève quand même la possession. La bien-aimée répond, elle prend une apparence concordante avec le mot, et elle oublie Totote qui reste silencieuse. Alors, que voulez-vous? Totote n'avait rien au monde, pas un jouet, pas un bonheur. Elle n'avait que Mademoiselle. On la lui retire. C'est bon, elle mourra. À la cantine, elle ne mange presque plus. À la cour, elle demeure contre le mur, sans bouger, la tête penchée sur l'épaule. Pourtant, au bout de quelques jours, Félicienne finit par remarquer la triste mine de Totote, et elle tâche d'arranger les choses avec bonté. « Allons, Betas, tu es toujours ma petite fille, je pense toujours à toi, je t'aime autant qu'avant. « Hein ?» fait Totote, toute frémissante, dans l'attente d'une démonstration convaincante. Mais, sans doute, elle éprouve une déception, malgré les tendres caresses qui lui sont prodiguées, car sa langueur mélancolique ne l'abandonne pas. Et bientôt même, son état devient si inquiétant que Félicienne prie son mari de passer un soir à l'école et de parler à Totote. Tu trouveras peut-être le moyen de la consoler. C'est un cas incompréhensible de jalousie enfantine. Et pourtant, je t'assure que ma sollicitude à l'égard de mes pauvres mioches n'a pas diminué, sous aucun rapport. Donc, M. Legrand apparaît un soir, à l'entrée du préau, où les derniers élèves attendent qu'on vienne les chercher. Il n'a jamais arrêté sa pensée sur une certaine enfance déshéritée, et il demeure saisi d'étonnement. Il voit une extraordinaire petite fille, aux cheveux hérissés, aux joues creuses, aux yeux fiévreux, un petit être douloureux, faisant penser à un oiselet moribond aux plumes ébouriffées, et qui le considère avec une angoisse indicible. L'émotion le rend ingénieux. « Je viens te voir, Totote. Écoute, je te rends, mademoiselle. Les autres diront madame, toi toute seule, tu diras mademoiselle. Je te la rends à toi seulement. Et tu vois, je m'en vais sans elle. » Son mari parti, Félicienne prend Totote sur ses genoux. « Tu vois, ma mignonne, c'est bien vrai ce que je t'ai dit. Rien ne m'empêche. Je t'aime bien, comme avant, tout pareil. » Elle est très sincère. Elle est persuadée de toujours avoir le même dévouement. Il fait de grands yeux, en avançant son visage, pour donner vraiment tout son cœur. Totote sourit, avec un reste de tristesse. « Non, ce n'est pas vrai, ce que dit mademoiselle. Mais enfin, elle veut bien se laisser persuader. Elle se résignera à vivre, puisque maintenant, tout au moins, la possibilité de parler lui est rendue. Elle a un long soupir de personne trompée qui pardonne. Alors, négligemment, comme sans y penser, elle prend la main de Félicienne, où il y a l'anneau de mariage auprès de sa bague de jeune fille, un petit anneau que personne ne remarque, et la tête baissée, les yeux sur les doigts de mademoiselle. Totote dit tout doucement, avec un cœur infiniment indulgent, « Tu m'aimes comme avant, tout pareil. Alors il faut t'apercevoir que mon collier est mal tourné. Voilà 8 jours que mon collier est mal tourné, et tu ne t'en es pas aperçu. » C'était l'épreuve par Léon Frappier.